Tu sais vraiment rien. Le soir je m'isole. Amour en prison. Deux trois camos dans mon garage. Monte dans le GT à la 0 km. Tu dis que je fais le mec, mais moi je veux que encaisser. Avec moi elle voudrait rester. J'ai mis mon cœur sur attente, que je lui accorde de l'attention. Je n'ai que moulin dans la tête. Avec moi elle voudrait rester. J'ai mis mon cœur sur attente, que je lui accorde de l'attention. Je n'ai que moulin dans la tête. J'ai laissé mes armes dans la maison. Si je l'ai fait, c'est que pour toi. Elle veut que j'enterre ma vidéo, voix. Elle a brisé mon cœur de mafiosa. Qu'est-ce que je vais lui dire, frère? Elle veut des réponses à ses questions. Bébé veut me piéger. T'inquiète, j'ai retenu la leçon. Moi, je peux pas continuer ma vie sans toi. Moi, je peux pas conquérir ton cœur, tes cœurs. Mais je peux pas. Comment faire la vie? Je sais pas. Tu sais, ma belle, ta voix m'apaise. Si tu dois partir, mes sentiments tombent en panne. Combler le manque, ça sera jusqu'à la moelle. Mais ne réveille plus la bête, on s'aimera toutes les saisons. Je sais qu'elle t'en vaut la peine, un jour tu seras ma femme. Même si les jaloux nous freinent, tu restes le sang de la veine. Je sais que t'en vaut la peine, un jour tu seras ma femme. Même si les jaloux nous freinent, tu restes le sang de la veine. J'ai laissé mes armes dans la maison. Si je l'ai fait, c'est que pour toi. Elle veut que j'enterre ma vidéo, voix. Elle a brisé mon cœur de mafiosa. Qu'est-ce que je vais lui dire, frère? Elle veut des réponses à ses questions. Bébé veut me piéger. T'inquiète, j'ai retenu la leçon. Moi, je peux pas continuer ma vie sans toi. Moi, je peux pas conquérir ton cœur, tes cœurs. Mais je peux pas. Comment faire la vie?